Chapitre 5. Les mousquetaires du roi et les gardes de Monsieur le cardinal. D'Artagnan ne connaissait personne à Paris. Il alla donc au rendez-vous d'Athos sans amener de second. Lorsque D'Artagnan arriva en vue du petit terrain vague qui s'étendait au pied de ce monastère, Athos, qui souffrait toujours cruellement de sa blessure, quoiqu'elle eût été pansée à neuf par le chirurgien de Monsieur de Tréville, s'était assis sur une borne et attendait son adversaire avec cette contenance paisible et cet air digne qui ne l'abandonnait jamais. « Monsieur, dit Athos, j'ai fait prévenir deux de mes amis qui me serviront de second, mais ces deux amis ne sont point encore arrivés, je m'étonne qu'ils tardent, ce n'est pas leur habitude. »« Je n'ai pas de second, moi, monsieur, dit D'Artagnan. » Car arrivé hier seulement à Paris, je n'y connais encore personne que M. de Tréville, auquel j'ai été recommandé par mon père, qui a l'honneur d'être quelque peu de ses amis. Athos réfléchit un instant. « Vous ne connaissez que M. de Tréville ? » demanda-t-il. « Oui, monsieur, je ne connais que lui. » « Ah, ça, mais... » continua Athos, parlant moitié à lui-même, moitié à D'Artagnan. « Ah, ça, mais si je vous tue, j'aurai l'air d'un mangeur d'enfants, moi. » « Vous êtes vraiment, monsieur, dit D'Artagnan en s'inclinant de nouveau, d'une courtoisie dont je vous suis, on ne peut plus reconnaissant. »« Vous me rendez confus, répondit Athos avec son air de gentilhomme. »« Si vous voulez me permettre, dit D'Artagnan avec timidité. »« Quoi, monsieur ? J'ai un baume miraculeux pour les blessures. Un baume qui me vient de ma mère et dont j'ai fait l'épreuve sur moi-même. »« Eh bien, je suis sûr qu'en moins de 3 jours, ce baume vous guérirait. » Et au bout de 3 jours, quand vous serez guéri, eh bien, monsieur, ça me serait toujours un grand honneur d'être votre homme. » D'Artagnan dit ces mots avec une simplicité qui faisait honneur à sa courtoisie, sans porter aucunement atteinte à son courage. « Pardieu, monsieur, dit Athos, voici une proposition qui me plaît. Non pas que je l'accepte, mais elle sent son gentilhomme d'une lieue. » Au bout de la rue de Vaugirard commençait à apparaître le gigantesque Porthos. « Quoi ? S'écria D'Artagnan, votre premier témoin est M. Porthos ?»« Oui, cela vous contrarie-t-il ? » ?»« Non, aucunement. » »« Et voici le second. » D'Artagnan se retourna du côté indiqué par Athos et reconnut Aramis. « Quoi ? S'écria-t-il d'un accent plus étonné que la première fois. « Votre second témoin est M. Aramis ?»« Sans doute. Ne savez-vous pas qu'on ne nous voit jamais l'un sans l'autre ? » ?»« Et qu'on nous appelle dans les mousquetaires et dans les gardes à la cour et à la ville Athos, Porthos et Aramis, ou les trois inséparables ?» Pendant ce temps, Porthos s'était rapproché, avait salué de la main Athos, puis se retournant vers D'Artagnan, il était resté tout étonné. Disons en passant qu'il avait changé de baudrier et quitté son manteau. « Ah ah » fit-il, « qu'est-ce que cela ?»« C'est avec monsieur que je me bats, » dit Athos en montrant de la main D'Artagnan et en le saluant du même geste. « C'est avec lui que je me bats aussi, » dit Porthos. « Mais à 1 heure seulement, » répondit D'Artagnan. « Et moi aussi ?» « C'est avec monsieur que je me bats, » dit Aramis en arrivant à son tour sur le terrain. « Mais à 2 heures seulement, » fit D'Artagnan avec le même calme. « Mais à propos de quoi te bats-tu, toi, Athos ?» demanda Aramis. « Ma foi, je ne sais pas trop. Il m'a fait mal à l'épaule. Et toi, Porthos ?»« Ma foi, je me bats parce que je me bats, » répondit Porthos en rougissant. Athos, qui ne perdait rien, vit passer un fin sourire sur les lèvres du Gascon. « Nous avons une discussion sur la toilette, » dit le jeune homme. « Et toi, Aramis ?» demanda Athos. « Moi, je me bats pour cause de théologie, » répondit Aramis tout en faisant signe à D'Artagnan qu'il le priait de tenir secrète la cause de son duel. Athos fit passer un second sourire sur les lèvres de D'Artagnan. « Vraiment ?» dit Athos. « Oui, à un point de Saint-Augustin sur lequel nous ne sommes pas d'accord, » dit le Gascon. « Décidément, c'est un homme d'esprit, » murmura Athos. « Et maintenant que vous êtes rassemblés, messieurs, dit D'Artagnan, permettez-moi de vous faire mes excuses. » À ce mot d'excuse, un nuage passa sur le front d'Athos, un sourire hautain glissa sur les lèvres de Porthos, et un signe négatif fut la réponse d'Aramis. « Vous ne me comprenez pas, messieurs, dit D'Artagnan en relevant sa tête, sur laquelle jouait en ce moment un rayon de soleil qui en dorait les lignes fines et hardies. Je vous demande excuse dans le cas où je ne pourrais vous payer ma dette à tous trois, car M. Athos a le droit de me tuer le premier, ce qui ôte beaucoup de sa valeur à votre créance, M. Porthos, et ce qui rend la vôtre à peu près nulle, M. Aramis. Et maintenant, messieurs, je vous le répète, excusez-moi, mais de cela seulement, et en garde. » À ces mots, du geste le plus cavalier qui se puisse voir, D'Artagnan tira son épée. « Quand vous voudrez, monsieur, dit Athos en se mettant en garde. J'attendais vos ordres, dit D'Artagnan en croisant le fer. Mais les deux rapières avaient à peine résonné en se touchant qu'une escouade des gardes de son éminence, commandée par monsieur de Jussac, se montra à l'angle du couvent. « Les gardes du cardinal !» s'écrièrent à la fois Porthos et Aramis. « L'épée au fourreau, messieurs, l'épée au fourreau !» Mais il était trop tard. Les deux combattants avaient été vus dans une pose qui ne permettait pas de douter de leurs intentions. « Hola !» cria Jussac en s'avançant vers eux et en faisant signe à ses hommes d'en faire autant. « Hola, mousquetaire, on se bat donc ici ?»« Et les édits, qu'en faisons-nous ? Nous vous chargerons donc si vous désobéissez. » « Ils sont cinq, dit Athos à demi-voix, et nous ne sommes que trois, nous serons encore battus, et il nous faudra mourir ici, car je le déclare, je ne reparais pas vaincu devant le capitaine. » Alors Porthos et Aramis se rapprochèrent à l'instant les uns des autres, pendant que Jussac alignait ses soldats. Ce seul moment suffit à D'Artagnan pour prendre son parti. C'était là un de ces événements qui décident de la vie d'un homme. C'était un choix à faire entre le roi et le cardinal. Ce choix fait, il fallait y persévérer. Voilà ce qu'entrevit le jeune homme, et disons-le à sa louange, il n'hésita point une seconde. Se tournant donc vers Athos et ses amis, « Je n'ai pas l'habit, mais j'ai l'âme. Mon cœur est mousquetaire, je le sens bien, monsieur, et cela m'entraîne. »« Décidément, vous êtes un joli garçon, » dit Athos en serrant la main du jeune homme. « Comment vous appelle-t-on, mon brave ?» dit Athos. « D'Artagnan, monsieur. » « Eh bien, Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. En avant !» cria Athos. Et les neuf combattants se précipitèrent les uns sur les autres avec une furie qui n'excluait pas une certaine méthode. Athos prit un certain Cahussac, favori du cardinal. Porthos eut Biscara et Aramis se vit en face de deux adversaires. Quant à D'Artagnan, il se trouva lancé contre Jussac lui-même. Le cœur du jeune Gascon battait à lui briser la poitrine, non pas de peur, Dieu merci, il n'en avait pas l'ombre, mais d'émulation. Il se battait contre un tigre en fureur. Enfin, cette lutte finit par faire perdre patience à Jussac. Furieux d'être tenu en échec par celui qu'il avait regardé comme un enfant, il s'échauffa et commença à faire des fautes. Jussac voulait en finir, porta un coup terrible à son adversaire en se fendant à fond. Mais celui-ci part à prime. Et tandis que Jussac se relevait, se glissant comme un serpent sous son fer, il lui passa son épée au travers du corps. Jussac tomba comme une masse. D'Artagnan jeta alors un coup d'œil inquiet et rapide sur le champ de bataille. Aramis avait déjà tué un de ses adversaires, mais l'autre le pressait vivement. Athos, blessé de nouveau par Cahussac, pâlissait à vue d'œil, mais il ne reculait pas d'une semelle. Il avait seulement changé son épée de main et se battait de la main gauche. D'Artagnan fit un bond terrible et tomba sur le flanc de Cahussac en criant « À moi, monsieur le garde, je vous tue !» Cahussac se retourna. Il était temps. Athos, que son extrême courage soutenait seul, tomba sur un genou. « Sans Dieu » cria-t-il à D'Artagnan. « Ne le tuez pas, jeune homme, je vous en prie. J'ai une vieille affaire à terminer avec lui. Quand je serai guéri et bien portant, désarmez-le seulement, liez-lui l'épée. C'est cela. Bien, très bien. » Cette exclamation était arrachée à Athos par l'épée de Cahussac qui sautait à 20 pas de lui. Athos, qui pendant cette pause d'un instant que lui avait procuré D'Artagnan avait repris haleine, voulait recommencer le combat. D'Artagnan comprit que ce serait désobliger Athos que de ne pas le laisser faire. En effet, quelques secondes après, Cahussac tomba à la gorge traversée d'un coup d'épée. Au même instant, Aramis appuya son épée contre la poitrine de son adversaire renversé et le forçait à demander merci. Restaient Porthos et Biscara. Porthos faisait mille fanfaronnades, demandant à Biscara quelle heure il pouvait bien être. Cependant, il fallait en finir. Athos, Aramis et D'Artagnan entourèrent Biscara et le sommèrent de se rendre. Biscara était un Gascon comme D'Artagnan. Il fit la sourde oreille et se contenta de rire. Et entre deux parades, trouvant le temps de désigner du bout de son épée une place à terre, « Ici, dit-il, parodiant un verset de la Bible, ici mourra Biscara, seul de ceux qui sont avec lui. » Mais ils sont quatre contre toi. Finis-en, je te l'ordonne. Ah, si tu l'ordonnes, c'est autre chose, dit Biscara. Comme tu es mon brigadier, je dois obéir. Et faisant un bond en arrière, il cassa son épée sur son genou pour ne pas la rendre, en jeta les morceaux par-dessus le mur du couvent et se croisa les bras en sifflant un air cardinaliste. La bravoure est toujours respectée, même dans un ennemi. Les mousquetaires saluèrent Biscara de leurs épées et les remirent au fourreau. Puis ils sonnèrent la cloche, et en portant 4 épées sur 5, ils s'acheminèrent ivres de joie vers l'hôtel de M. de Tréville. On les voyait entrelacés, tenant toute la largeur de la rue, et accostant chaque mousquetaire qu'ils rencontraient, si bien qu'à la fin ce fut une marche triomphale. Le cœur de D'Artagnan nageait dans l'ivresse. Il marchait entre Athos et Porthos en les étreignant tendrement. « Si je ne suis pas encore mousquetaire, dit-il à ses nouveaux amis en franchissant la porte de l'hôtel de M. de Tréville, au moins me voilà reçu apprenti, n'est-ce pas ?» Chapitre 6. Sa Majesté le Roi, Louis XIIIe. L'affaire fit grand bruit. M. de Tréville gronda beaucoup tout haut contre ses mousquetaires et les félicita tout bas. Le soir, M. de Tréville vint au jeu du roi. « Votre Majesté n'ignore pas que les mousquetaires qui sont au roi, et rien qu'au roi, sont les ennemis naturels des gardes qui sont à monsieur le cardinal. »« Oui, Tréville, oui, dit le roi mélancoliquement. Et c'est bien triste, croyez-moi, de voir ainsi deux parties en France, deux têtes à la royauté. Mais tout cela finira, Tréville, tout cela finira. » Vous dites donc que les gardes ont cherché querelle aux mousquetaires ? Je dis qu'il est probable que les choses se sont passées ainsi, mais je n'en jure pas, sire. Vous savez combien la vérité est difficile à connaître, et à moins d'être doué de cet instinct admirable qui a fait nommer Louis XIII le juste, et vous avez raison, Tréville. Mais ils n'étaient pas seuls, vos mousquetaires, il y avait avec eux un enfant. Oui, sire, et un homme blessé. De sorte que trois mousquetaires du roi, dont un blessé et un enfant, non seulement ont tenu tête à cinq des plus terribles gardes de monsieur le cardinal, mais encore en ont porté quatre à terre. « Mais c'est une victoire, cela !» s'écria le roi tout rayonnant. « Une victoire complète ! Quatre hommes, dont un blessé et un enfant, dites-vous ? » « Un jeune homme à peine, lequel s'est même si parfaitement conduit en cette occasion que je prendrai la liberté de le recommander à votre majesté. » « Comment s'appelle-t-il »« D'Artagnan, sire. »« Je veux voir ce jeune homme, Tréville, je veux le voir. Et si l'on peut faire quelque chose, eh bien, nous nous en occuperons. »« Quand votre majesté daignera-t-elle le recevoir ?»« Demain à midi, Tréville. »« L'amènerai-je seul ?»« Non. Amenez-les-moi tous les quatre ensemble. Je veux les remercier tous à la fois. Les hommes dévoués sont rares, Tréville. » Et il faut récompenser le dévouement. À midi, sire, nous serons au Louvre. Ah, par le petit escalier, Tréville, par le petit escalier. Il est inutile que le cardinal sache. Oui, sire. Tréville sourit. Il salua respectueusement le roi et, avec son agrément, prit congé de lui. Dès le soir même, les trois mousquetaires furent prévenus de l'honneur qui leur était accordé. Comme ils connaissaient depuis longtemps le roi, ils n'en furent pas trop échauffés. Mais d'Artagnan, avec son imagination gasconne, y vit sa fortune à venir et passa la nuit à faire des rêves d'or. Aussi, dès 8 heures du matin, était-il chez Athos. D'Artagnan trouva le mousquetaire tout habillé et prêt à sortir. Comme on avait rendez-vous chez le roi qu'à midi, il avait formé le projet avec Porthos et Aramis d'aller faire une partie de paume dans un tripot situé tout près des écuries du Luxembourg. Athos invita d'Artagnan à les suivre. Une de ses balles, lancée par le poignet herculéen de Porthos, passa si près du visage de d'Artagnan qu'il pensa que si, au lieu de passer à côté, elle lui donnait dedans, son audience était probablement perdue. Il salua poliment Porthos et Aramis, déclarant qu'il ne reprendrait la partie que lorsqu'il serait en état de leur tenir tête. Et il s'en revint prendre place près de la corde et dans la galerie. Malheureusement pour d'Artagnan, parmi les spectateurs, se trouvait un garde de son éminence, lequel, tout échauffé encore de la défaite de ses compagnons, arrivé la veille seulement, s'était promis de saisir la première occasion de la venger. Il crut donc que cette occasion était venue, et s'adressant à son voisin, « N'est pas étonnant, dit-il, que ce jeune homme ait eu peur d'une balle. C'est sans doute un apprenti mousquetaire. » D'Artagnan se retourna comme si un serpent l'eût mordu. « Ce que vous avez dit est trop clair pour que vos paroles aient besoin d'explications, » répondit d'Artagnan à voix basse. « Je vous prierai de me suivre. » « Et quand cela ?» demanda le garde avec le même air railleur. « Tout de suite, s'il vous plaît. Et vous savez qui je suis, sans doute. » « Comment vous appelez-vous »« Bernajoux, pour vous servir. » « Ma foi, » dit-il à son adversaire, « il est bien heureux pour vous, quoique vous vous appeliez Bernajoux, de n'avoir affaire qu'à un apprenti mousquetaire. Cependant, soyez tranquille, je ferai de mon mieux. En garde. » Bernajoux n'était pas homme à se faire répéter deux fois un pareil compliment. Au même instant, son épée brilla à sa main, et il fondit sur son adversaire que, grâce à sa grande jeunesse, il espérait intimider. Mais D'Artagnan avait fait la veille son apprentissage, et tout frais et moulu de sa victoire, tout gonflé de sa future faveur, il était résolu à ne pas reculer d'un pas. Aussitôt D'Artagnan, à son tour, fit un pas de retraite et releva son épée. Mais Bernajoux lui cria que ce n'était rien, et se fendant aveuglement sur lui, il s'enferra de lui-même. Cependant, comme il ne tombait pas, comme il ne se déclarait pas vaincu, mais que seulement il rompait du côté de l'hôtel de M. de la Trémouille, au service duquel il avait un parent, D'Artagnan, ignorant lui-même la gravité de la dernière blessure que son adversaire avait reçue, le pressait vivement et sans doute allait l'achever d'un troisième coup. Lorsque la rumeur qui s'élevait de la rue s'étant étendue jusqu'au jeu de paume, Athos, Porthos et Aramis parurent à leur tour. En ce moment, Bernajoux tomba. Et comme les gardes étaient seulement 2 contre 4, ils se mirent à crier « À nous l'hôtel de la Trémouille !» À ces cris, tout ce qui était dans l'hôtel sortit, se ruant sur les 4 compagnons qui, de leur côté, se mirent à crier « À nous, mousquetaires !» De 3 gardes de la compagnie de M. des Essarts qui passaient, 2 vinrent donc en aide aux 4 compagnons, tandis que l'autre courait à l'hôtel de M. de Tréville, criant « À nous, mousquetaires, à nous !» Comme d'habitude, l'hôtel de M. de Tréville était plein de soldats de cette arme qui accoururent au secours de leurs camarades. La mêlée devint générale, mais la force était aux mousquetaires. Les gardes du cardinal et les gens de M. de la Trémouille se retirèrent dans l'hôtel, dont ils fermèrent les portes assez à temps pour empêcher que leurs ennemis n'y fissent irruption en même temps qu'eux. Quant aux blessés, ils y avaient été tout d'abord transportés et, comme nous l'avons dit, en fort mauvais état. Ceux qui devaient être regardés comme les chefs de l'entreprise avaient depuis un instant quitté le groupe et s'acheminaient vers l'hôtel de M. de Tréville qui les attendait, déjà au courant de cette algarade. « Vite au Louvre, dit-il, au Louvre sans perdre un instant, et tâchons de voir le roi avant qu'il soit prévenu par le cardinal. Nous lui raconterons la chose comme une suite de l'affaire d'hier et les 2 passeront ensemble. » M. de Tréville, accompagné des 4 jeunes gens, s'achemina donc vers le Louvre. Le roi n'était pas encore revenu de la chasse. Nos jeunes gens attendaient depuis une demi-heure à peine, mêlés à la foule des courtisans, lorsque toutes les portes s'ouvrirent et qu'on annonça Sa Majesté. « Venez, mes braves, dit le roi, venez, j'ai à vous gronder. » Les mousquetaires s'approchèrent en s'inclinant. D'Artagnan les suivait par derrière. « Comment diable, continua le roi, à vous 4, 7 gardes de son éminence mis hors de combat en 2 jours. C'est trop, messieurs, c'est trop. » « Aussi, sire, votre majesté voit qu'ils viennent tout contrits et tout repentants lui faire leurs excuses. »« Tout contrits et tout repentants. Fit le roi. « Je me fie point à leurs faces hypocrites. Il y a surtout là-bas une figure de Gascon. Venez ici, monsieur. » D'Artagnan, qui comprit que c'était à lui que le compliment s'adressait, s'approcha en prenant son air le plus désespéré. « Eh bien, que me disiez-vous donc que c'était un jeune homme? C'est un enfant ?» Monsieur de Tréville, un véritable enfant. Et c'est celui-là qui a donné ce rude coup d'épée à Jussac? Et ces 2 beaux coups d'épée à Bernajoux? Véritablement. La Chesnaye, allez voir si en fouillant dans toutes mes poches vous trouverez 40 pistoles. Et si vous les trouvez, apportez-les-moi. Et maintenant, voyons, jeune homme, la main sur la conscience. Comment cela s'est-il passé? D'Artagnan raconta l'aventure de la veille dans tous ses détails. Comment, n'ayant pas pu dormir de la joie qu'il éprouvait à voir Sa Majesté, il était arrivé chez ses amis 3 heures avant l'heure de l'audience, comment ils étaient allés ensemble au tripot et comment, sur la crainte qu'il avait manifestée de recevoir une balle au visage, il avait été raillé par Bernajoux, lequel avait failli payer cette raillerie de la perte de sa vie, et M. de la Trémouille, qui n'y était pour rien, de la perte de son hôtel. « C'est bien cela, murmurait le roi, oui. C'est ainsi que le duc m'a raconté la chose. Pauvre cardinal. » 7 hommes en 2 jours, et de ses plus chers. Mais c'est assez comme cela, messieurs, entendez-vous, c'est assez. Vous avez pris votre revanche de la rue Férou et au-delà. Vous devez être satisfait. Si votre majesté l'est, dit Tréville, nous le sommes. Oui, je le suis, ajouta le roi en prenant une poignée d'or de la main de la Chesnaye et la mettant dans celle de D'Artagnan. Voici, dit-il, une preuve de ma satisfaction. À cette époque, les idées de fierté qui sont de mise de nos jours n'étaient point encore de mode. Un gentilhomme recevait de la main à la main de l'argent du roi et n'en était pas le moins du monde humilié.

Ah, ah, fit d'Artagnan en se soulevant à demi en saluant. Vous êtes mon propriétaire. Oui, monsieur, oui. Et comme depuis 3 mois que vous êtes chez moi et que, distrait sans doute par vos grandes occupations, vous avez oublié de me payer mon loyer, comme, dis-je, je ne vous ai pas tourmenté un seul instant, j'ai pensé que vous auriez égard à ma délicatesse. Comment donc, mon cher monsieur Bonacieux, reprit d'Artagnan, achevez donc ce que vous avez commencé à me dire. Le bourgeois tira un papier de sa poche et le présenta à d'Artagnan. Une lettre, fit le jeune homme. Ne cherchez pas votre femme, lui d'Artagnan, elle vous sera rendue quand on n'aura plus besoin d'elle. Si vous faites une seule démarche pour la retrouver, vous êtes perdu. Voilà qui est positif, continua d'Artagnan. Mais après tout, ce n'est qu'une menace. Oui, mais cette menace m'épouvante, moi, monsieur. Je ne suis pas homme d'épée du tout, et j'ai peur de la Bastille. J'avais bien compté sur vous dans cette occasion. Et comptant vous offrir une 50aine de pistoles si, contre toute probabilité, vous vous trouviez gêné en ce moment. À merveille. Ah mais, s'écria le bourgeois. Quoi ? Demanda d'Artagnan. Que vois-je là ? Où ? Dans la rue, en face de vos fenêtres, dans l'embrasure de cette porte, un homme enveloppé dans un manteau. C'est lui ! S'écrièrent à la fois d'Artagnan et le bourgeois, chacun d'eux en même temps ayant reconnu son homme. Ah, cette fois ! S'écria d'Artagnan en sautant sur son épée, cette fois-ci il ne m'échappera pas ! Et tirant son épée du fourreau, il se précipita hors de l'appartement. Sur l'escalier, il rencontra Athos et Porthos qui venaient le voir. Ils s'écartèrent, d'Artagnan passa entre eux comme un trait. Ah ça, où cours-tu ainsi ? Lui crièrent à la fois les deux mousquetaires. L'homme de main ! Répondit d'Artagnan, et il disparut. D'Artagnan avait plus d'une fois raconté à ses amis son aventure avec l'inconnu, ainsi que l'apparition de la belle voyageuse à laquelle cet homme avait paru confier une si importante missive. L'avis d'Athos avait été que d'Artagnan avait perdu sa lettre dans la bagarre. Porthos n'avait vu dans tout cela qu'un rendez-vous amoureux donné par une dame à un cavalier ou par un cavalier à une dame, et qu'était venu troubler la présence de d'Artagnan et de son cheval jaune. Aramis avait dit que ces sortes de choses étaient mystérieuses, mieux valait ne les point approfondir. Ils comprirent donc, sur les quelques mots échappés à d'Artagnan, de quelle affaire il était question, et comme ils pensèrent qu'après avoir rejoint son homme ou l'avoir perdu de vue, d'Artagnan finirait toujours par remonter chez lui, ils continuèrent leur chemin. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre de d'Artagnan, la chambre était vide. Le propriétaire, craignant les suites de la rencontre qui allait sans doute avoir lieu entre le jeune homme et l'inconnu, avait, par suite de l'exposition qu'il avait faite lui-même de son caractère, jugé qu'il était prudent de décamper. Chapitre 9. D'Artagnan se dessine. Comme l'avaient prévu Athos et Porthos, au bout d'une demi-heure, d'Artagnan rentra. Cette fois encore, il avait manqué son homme, qui avait disparu comme par enchantement. Aramis avait rejoint ses deux compagnons, de sorte qu'en revenant chez lui, d'Artagnan trouva la réunion au grand complet. « Eh bien, dirent ensemble les trois mousquetaires en voyant entrer d'Artagnan, la sueur sur le front et la figure bouleversée par la colère. « Eh bien, s'écria celui-ci en jetant son épée sur le lit. » Il faut que cet homme soit le diable en personne. Il a disparu comme un fantôme, comme une ombre, comme un spectre. Croyez-vous aux apparitions ? Demanda Athos à Porthos. Dans tous les cas, homme ou diable, corps ou ombre, illusion ou réalité, cet homme est né pour ma damnation. Car sa fuite nous fait manquer une affaire superbe, messieurs. Une affaire dans laquelle il y avait 100 pistoles et peut-être plus à gagner. Comment cela ? Dirent à la fois Porthos et Aramis. Quant à Athos, fidèle à son système de mutisme, il se contenta d'interroger d'Artagnan du regard. Planchet, dit d'Artagnan à son domestique, descendez chez mon propriétaire, monsieur Bonacieux, et dites-lui de nous envoyer une demi-douzaine de bouteilles de vin de Beaugency. C'est celui que je préfère. Ah ça, mais vous avez donc crédit ouvert chez votre propriétaire ? Demanda Porthos. Oui, répondit d'Artagnan. Mais enfin, voyons, qu'y a-t-il ? Demanda Porthos. Soyez tranquille, répondit d'Artagnan. Et alors il raconta mot à mot à ses amis ce qui venait de se passer entre lui et son hôte, et comment l'homme qui avait enlevé la femme du digne propriétaire était le même avec lequel il avait eu maille à partir à l'hôtellerie du Franc-Meunier. « Votre affaire n'est pas mauvaise, » dit Athos. « Mais faites attention, » s'écria d'Artagnan, « qu'il y a une femme dans cette affaire, une femme enlevée, une femme qu'on menace sans doute, qu'on torture peut-être, et tout cela parce qu'elle est fidèle à sa maîtresse. « Prenez garde, » dit Aramis. Vous vous échauffez un peu trop, à mon avis, sur le sort de Madame Bonacieux. La femme a été créée pour notre perte, et c'est d'elle que nous viennent toutes nos misères. Athos, à cette sentence d'Aramis, fronça le sourcil et se mordit les lèvres. « Ce n'est point de Madame Bonacieux que je m'inquiète, s'écria d'Artagnan, mais de la reine, que le roi abandonne, que le cardinal persécute, et qui voit tomber les unes après les autres les têtes de tous ses amis. Pourquoi aiment-elles ce que nous détestons le plus au monde, les Espagnols et les Anglais ? L'Espagne est sa patrie, répondit d'Artagnan, et il est tout simple qu'elle aime les Espagnols, qui sont enfants de la même terre qu'elle. Quant au second reproche que vous lui faites, j'ai entendu dire qu'elle aimait non pas les Anglais, mais un Anglais. Et ma foi, dit Athos, il faut avouer que cet Anglais était bien digne d'être aimé. Je n'ai jamais vu un plus grand air que le sien. Messieurs, reprit Aramis, écoutez ceci. Écoutons Aramis, dirent les trois amis. Hier, je me trouvais chez un savant docteur en théologie que je consulte quelquefois pour mes études. Athos sourit. Il habite un quartier désert, continua Aramis. Ses goûts, sa profession l'exigent. Or, au moment où je sortais de chez lui, ici Aramis s'arrêta. Eh bien, demandèrent ses auditeurs, au moment où vous sortiez de chez lui ? Ce docteur a une nièce, continua Aramis. Ah, il a une nièce, interrompit Porthos. « Dame fort respectable, » dit Aramis. Les trois amis se mirent à rire. « Ah, si vous riez ou si vous doutez, » reprit Aramis, « vous ne saurez rien. Nous sommes croyants comme des mahométistes et muets comme des catafalques, » dit Athos. « Je continue donc, » reprit Aramis. Cette nièce vient quelquefois voir son oncle. Or, elle s'y trouvait hier en même temps que moi, par hasard, et je dus m'offrir pour la conduire à son carrosse. Tout à coup, un homme grand, brun, aux manières de gentilhomme, tenez dans le genre du vôtre, d'Artagnan. Le même, peut-être, dit celui-ci. C'est possible, continua Aramis. S'approcha de moi, accompagné de 5 ou 6 hommes qui le suivaient à 10 pas en arrière et du ton le plus poli. Monsieur le duc, me dit-il, et vous, madame, continua-t-il en s'adressant à la dame que j'avais sous le bras, à la nièce du docteur ? Silence donc, Porthos, dit Athos, vous êtes insupportable. « Veuillez monter dans ce carrosse, et cela sans essayer la moindre résistance, sans faire le moindre bruit. »« Il vous avait pris pour Buckingham ?» s'écria d'Artagnan. « Je le crois, » répondit Aramis. « Mais cette dame ?» demanda Porthos. « Il l'avait prise pour la reine, » dit d'Artagnan. « Éparpillons-nous et cherchons la femme du Mercier. C'est la clé de l'intrigue. »« Une femme de condition si inférieure, vous croyez, d'Artagnan ?» fit Porthos en allongeant les lèvres avec mépris. « C'est la filleule de la porte, le valet de confiance de la reine. Ne vous l'ai-je pas dit, messieurs ?» En ce moment, un bruit précipité de pas retentit dans l'escalier. La porte s'ouvrit avec fracas et le malheureux mercier s'élança dans la chambre où se tenait le conseil. « Ah, messieurs, s'écria-t-il, sauvez-moi au nom du ciel, sauvez-moi. Il y a 4 hommes qui viennent pour m'arrêter, sauvez-moi, sauvez-moi. » Porthos et Aramis se levèrent. « Un moment, s'écria d'Artagnan en leur faisant signe de repousser au fourreau leurs épées à demi tirées. Un moment, ce n'est pas du courage qu'il faut ici, c'est de la prudence. » En ce moment, les 4 gardes apparurent à la porte de l'antichambre et voyant 4 mousquetaires debout et l'épée au côté, hésitèrent à aller plus loin. « Entrez, messieurs, entrez !» cria d'Artagnan, « vous êtes ici chez moi. » « Mais vous m'avez promis, » dit tout bas le pauvre mercier. « Nous ne pouvons vous sauver qu'en restant libres, » répondit rapidement et tout bas d'Artagnan. « Et si nous faisons mine de vous défendre, on nous arrête avec vous. » Et d'Artagnan poussa le mercier tout étourdi aux mains des gardes. Au moment où il descendait, d'Artagnan frappa sur l'épaule du chef. « Ne boirai-je pas à votre santé et vous à la mienne ? » dit-il en remplissant 2 verres de vin de Beaugency qu'il tenait de la libéralité de M. Bonacieux. « Ce serait bien de l'honneur pour moi, » dit le chef des sbires, « et j'accepte avec reconnaissance. » « Donc à la vôtre, monsieur. Comment vous nommez-vous ? » « Boisrenard, monsieur Boisrenard. » « À la vôtre, mon gentilhomme. Comment vous nommez-vous à votre tour, s'il vous plaît ?»« D'Artagnan. »« À la vôtre, monsieur d'Artagnan. »« Mais quel diable de vilainie avez-vous donc fait là ?» dit Porthos, lorsque l'Asgazil en chef eut rejoint ses compagnons et que les 4 amis se retrouvèrent seuls. « Porthos, dit Aramis, Athos t'a déjà prévenu que tu étais un niais, et je me range de son avis. D'Artagnan, tu es un grand homme. » « Et maintenant, messieurs, » dit d'Artagnan, sans se donner la peine d'expliquer sa conduite à Porthos, « tous pour un pour tous. C'est notre devise, n'est-ce pas ?»« Cependant, » dit Porthos, « étends la main et jure !» s'écrièrent à la fois Athos et Aramis. Vaincus par l'exemple, maugréant tout bas, Porthos étendit la main et les 4 amis répétèrent d'une seule voix la formule dictée par d'Artagnan, « tous pour un pour tous. »« C'est bien que chacun se retire maintenant chez soi, » dit d'Artagnan, « comme s'il n'avait fait autre chose que de commander toute sa vie. Et attention, car à partir de ce moment, nous voilà aux prises avec le cardinal. »